Chapitre 43 Des essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Sonia. Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre 1. Chapitre 43 Des lois somptuaires. La façon de quoi nos lois essayent à régler les folles et vaines dépenses des tables et vêtements semble être contraire à sa fin. Le vrai moyen, ce serait d'engendrer aux hommes le mépris de l'or et de la soie, comme des choses vaines et inutiles, et nous leur augmentons l'honneur et le prix, qui est une bien inepte façon pour en dégoûter les hommes. Car dire ainsi qu'il n'y aura que les princes qui mangent du turbot et qui puissent porter du velours et de la tresse d'or et l'interdire au peuple, qu'est-ce autre chose que mettre en crédit ces choses-là et faire croître l'envie à chacun d'en user? Que les rois quittent hardiment ces marques de grandeur, ils en ont assez d'autres. Tels excès sont plus excusables à tout autre qu'à un prince. Par l'exemple de plusieurs nations, nous pouvons apprendre assez de meilleures façons de nous distinguer extérieurement et nos degrés, ce que j'estime à la vérité être bien requis en un état, sans nourrir pour cet effet cette corruption et incommodité si apparentes. Ces merveilles comme la coutume en ces choses indifférentes plantent aisément et soudain le pied de son autorité. À peine fûmes-nous un an pour le deuil du roi Henri II, apporté du drap à la cour, il est certain que déjà à l'opinion d'un chacun, les soies étaient venues à telle vilité que si vous envoyiez quelqu'un vêtu, vous en faisiez incontinent quelque homme de ville. Elles étaient demeurées en partage aux médecins et aux chirurgiens, et quoiqu'un chacun fût à peu près vêtu du même, s'y avait-il d'ailleurs assez de distinction apparente des qualités des hommes? Combien soudainement viennent en honneur parmi nos armées les pourpoints crasseux de chamois et de toile, et la polissure et richesse des vêtements à reproche et à mépris. Que les rois commencent à quitter ces dépenses, ce sera fait en un mois, sans édit et sans ordonnance. Nous irons tous après. La loi devait dire, au rebours, que le cramoisi et l'orfèvrerie est défendu à toute espèce de gens, sauf aux bateleurs et aux courtisanes. De pareille invention corrigea Zélucus les mœurs corrompues des Locriens. Ces ordonnances étaient telles que la femme de condition libre ne puisse mener après elle plus d'une chambrière, sinon lorsqu'elle sera ivre, ni ne puisse sortir hors la ville de nuit, ni porter joyaux d'or alentour de sa personne, ni robe enrichie de broderies, si elle n'est publique et putain. Que, sauf les ruffiens, à homme ne l'oise porter en son doigt anneau d'or, ni robe délicate, comme sont celles des draps tissus en la ville de Milet. Et ainsi, par ces exceptions honteuses, il divertissait ingénieusement ses citoyens des superfluités et délices pernicieuses. C'était une très utile manière d'attirer, par honneur et ambition, les hommes à leur devoir et à l'obéissance. Nos rois peuvent tout en telle réformation externe, leur inclination y sert de loi. Quidquid principes faciunt, praecipere videntur. Le reste de la France prend pour règle la règle de la cour. Qu'ils se déplaisent de cette vilaine chaussure qui montre si à découvert nos membres occultes, ce lourd grossissement de pourpoint qui nous fait tout autre que nous ne sommes, si incommode à s'armer, ces longues tresses de poils efféminées, cet usage de baiser ce que nous présentons à nos compagnons et nos mains en les saluant, cérémonie due autrefois au seul prince, et qu'un gentilhomme se trouve en lieu de respect sans épée à son côté, tout ébrayé et détaché, comme s'il venait de la garde-robe, et que, contre la forme de nos pères et la particulière liberté de la noblesse de ce royaume, nous nous tenons découverts bien loin autour d'eux, en quelque lieu qu'ils soient, et comme autour d'eux, autour de cent autres, tant nous avons de tiercelets et cartelets droits, et ainsi d'autres pareilles introductions nouvelles et vicieuses. Elles se verront incontinent, évanouies et décriées. Ce sont erreurs superficielles, mais pourtant de mauvais pronostics. et sommes avertis que le massif se dément quand nous voyons fendiller l'enduit et la croûte de nos parois. Platon, en ses lois, n'estime peste au monde plus dommageable à sa cité que de laisser prendre liberté à la jeunesse de changer en accoutrement, en gestes, en danse, en exercice et en chanson, d'une forme à une autre, remuant son jugement tantôt en cette assiette, tantôt en celle-là, courant après les nouveautés, honorant leurs inventeurs, par où les mœurs se corrompent, et toutes anciennes institutions viennent à dédain et à mépris. En toute chose, sauf simplement aux mauvaises, la mutation est à craindre, la mutation des saisons, des vents, des vivres, des humeurs. Et nulle loi ne sent en leur vrai crédit que celle auquel Dieu a donné quelque ancienne durée, de mode que personne ne sache leur naissance, ni qu'elles aient jamais été autres. Fin du chapitre 43.